Avec être et tout du monde, c'est qu'il faut ouais, je m'emmènerai jusqu'à Marbella. Malgré la distance, tu resteras ma bella. Plus besoin de chercher, je t'ai trouvé, je peux pas nier. Et je suis plus le même depuis que nos regards se sont croisés. Et je deviens fou quand je reçois tes appels. Pourtant j'ai fait le tour, et toi tu n'es pas la même. Et j'ai le cœur qui bat, bat, bat, je me fais des films. Alors je fume, fume, je vois le temps qui défile. Elle me rend fou, je m'absente, elle fait des coups. C'est pas une histoire de cul, cette fille j'aime plus que tout. Elle me rend fou, je m'absente, elle fait des coups. C'est pas une histoire de cul, cette fille j'aime plus que tout. Elle me demande pardon, je sais pas si je pardonne. Elle m'a pris pour un con, elle revient comme une conne. Elle me demande pardon, je sais pas si je pardonne. Elle m'a pris pour un con, elle revient comme une conne. L'amour c'est comme un téléphone fixe, quand tu t'éloignes trop tu perds le fil. L'amour c'est fou, on a tous pris des coups. Elle se méfie, car je ne suis plus le même. Y'a tous ces filles, elle a cramé le phénomène. T'as beau lui mentir, elle apprendra bien d'elle-même. Où tes photos te tourneront tôt pour une semaine. Et j'ai le cœur qui bat, bat, bat, j'me fais des films. Alors je fume, fume, j'vois le temps qui défile. Elle me rend fou, j'm'absente, elle fait des coups. C'est pas une histoire de cul.